C'est de toi qu'on parle, Jésus. C'est pour toi qu'on chante. C'est pour toi qu'on joue. C'est pour toi qu'on danse. C'est pour toi qu'on lève les mains. On est là pour toi. C'est pour toi qu'on est rassemblés. Oh Jésus, vois tes enfants qui t'aiment. Vois ton peuple qui vient pour toi. Pour t'aimer, pour t'adorer, Jésus. See you.